histoire particulière. Petite fille, je n'étais pas une élève très brillante. Mes résultats scolaires étaient assez faibles et certaines notes proches de zéro désespéraient mes parents. Mais j'ai eu une maîtresse d'école exceptionnelle. Elle ne cessait de me répéter et d'écrire sur mes copies avec une conviction sans faille « Tu feras mieux la prochaine fois ». Elle croyait en moi malgré mes piètres résultats. À cette maîtresse, qui portait un nom prédestiné, Albertine Maître, aujourd'hui décédée, j'ai envie de dédier cette histoire à elle et à tous les professeurs passionnés. Nous partons tout de suite avec Lenora Krief, Diffie Mariani et Christine Digère pour la ville de Marseille. Alors là, les quartiers nord sont là, à droite. Le lycée professionnel est juste à gauche. On voit un petit peu là-bas. Bon, il faut connaître, évidemment. Mais... Et là, c'est ce qu'on appelle la Castellane. C'est le quartier de la Castellane. Et on sait qu'on est à Marseille parce que c'est comme à Hollywood. Les grosses lettres blanches qu'il y a sur les collines d'Hollywood qui avertit qu'on est à Hollywood. On a exactement la même chose à Marseille. Quand on descend la corniche, là, cette route qui est magnifique, qui longe la mer, on tombe sur ce gros Marseille en blanc qui donne évidemment un cachet particulier dès qu'on arrive. Mon lycée, c'est la vie, prof des quartiers nord. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Christine Digère et Diffie Mariani. La Castellane, c'est ici, dans un lycée professionnel des quartiers nord de Marseille, que Dominique Reich enseigne l'histoire et le français depuis près de 25 ans. À 56 ans, Dominique n'a jamais souhaité quitter ce poste. Ses élèves sont pour lui une vraie source d'inspiration. Professeur, mais aussi écrivain, Dominique raconte dans ses ouvrages sa vie de prof et s'amuse à retranscrire avec humour leurs inventions linguistiques. Chaque année, le défi pour Dominique est de gagner la confiance de ses jeunes et trouver des manières toujours plus ludiques de leur transmettre le goût des lettres. La vraie vie se passe pour lui dans son lycée, au cœur des cités, et elle ne manque jamais de sel. Est-ce qu'on vous connaît ici dans le quartier ? Bon, cette voiture, elle a déjà quelques années, donc je sais que ma plaque est connue. La plaque de maîtresse. C'est pour ça qu'on a pu un petit peu passer dans ces endroits un petit peu délicats. C'est parce que ma plaque d'immatriculation, elle est connue. Par exemple, il n'y a pas très très longtemps, enfin c'était l'année dernière, au début de l'année scolaire, j'avais un élève qui mettait plein de chiffres sur un classeur et qui écrivait toujours des chiffres. Alors j'ai pris le classeur, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres que tu écris sans arrêt ? Il me dit, mais c'est les plaques. Je dis, mais comment ça, c'est les plaques ? C'est les plaques des civils. Comment ça, les plaques des civils ? Il dit, monsieur, il faut que je les connaisse. Ce qu'il voulait me dire, c'est qu'il était un petit peu guetteur, on va dire à mi-temps, dans le quartier, et qu'il devait connaître les plaques des policiers en civil qui passaient dans le quartier. Donc il les apprenait par cœur. Si vous voulez déjà prendre vos classements, comme ça on avance. La grosse majorité de nos élèves, malheureusement, ils cumulent difficultés scolaires, difficultés sociales, difficultés familiales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient en détresse complète, hein, mais bon, c'est un peu le profil de nos élèves, hein, qui sont issus essentiellement des cités environnantes, pas forcément les cités les plus favorisées. C'est bon ? Donc, est-ce que quelqu'un peut me décrire ces deux images, la première et la deuxième ? Qu'est-ce qu'on voit dans ces images ? Tadjer, t'as pas trop parlé, tu peux me dire un peu ? La première, c'est... Il y a un monsieur, il travaille... porte un bœuf. En tout cas, c'est énorme. C'est ouais. Énorme. Et l'autre image, dis-nous un peu ce qu'il y a dans cette autre image. L'autre, c'est une femme, elle vend ses fleurs. Elle est souriante, elle aime bien ce qu'elle fait. Comment ? De quoi elle a dit, ils vendent de l'amour. Ils vendent de l'amour. Ben, moi, je suis d'accord. Elle vend de l'amour. Lui, on ne peut pas dire qu'ils vendent de l'amour. Je suis bien d'accord. Mais c'est une belle image. Elle vend de l'amour. Alors, il y a trois questions en dessous. Pour savoir si la carrière de prof vous convient, la toute première étape est la poubelle. Alors, je m'explique. Pour le prof, le tout n'est pas d'avoir des connaissances. Il faut savoir comment procéder pour les introduire dans le crâne des autres. Or, la première des conditions pour y parvenir, c'est de faire un tout petit peu le malin et de ne surtout pas se manquer pour obtenir la considération de son auditoire sans laquelle rien n'est possible. Manquer la poubelle devant une classe complète est le signe même de votre inaptitude à commander. Et vous n'y coupez pas. Ne pas essayer de l'atteindre serait le signe de votre incapacité à savoir prendre des risques. Aucune issue, vous êtes coincé. Il faut passer par l'épreuve du lancer franc et réussir. Une question de prestige. Le rôle de l'homme assuré, c'est l'histoire de la boule de papier. Une boule de papier, c'est une image, bien sûr, c'est un peu pour m'amuser, mais ce n'est pas complètement idiot. Réussir un lancer franc avec sa boule de papier, c'est montrer qu'on est le chef, qu'on est le patron, qu'on est voilà, qu'on va diriger tout ça. Parfois, on est même le papa, on est le frère, on a plein de casquettes. Mais en tout cas, il faut jouer son rôle à fond, il ne faut pas faire semblant, quoi. S'asseoir devant un bureau, c'est la meilleure façon pour que l'auditoire se décroche, quoi. Et puis c'est aussi pour asseoir son autorité. Je veux dire, passer entre les rangs, mettre une main sur une épaule, pour dire qu'on est là, qu'on le suit, il n'y arrive pas, mais il va y arriver. Être avec eux, faire le show, oui, puis être dans la salle, voilà. C'est aussi eux, les acteurs, bien sûr. Donc c'est comme une famille qui se crée autour du prof, quoi. En tout cas, il faut faire le show, ça c'est sûr. D'ailleurs, je vais vous rendre ce que j'ai corrigé pendant les vacances. Donc d'abord dans la partie français. Alors, ça a été plus ou moins bien réussi, et c'est vrai que l'exercice était difficile. Au niveau de la compréhension, ça allait. Après, quand on remet les choses par écrit, c'est pas toujours évident. Alors, Koulalani, il n'est pas là. Toumani, bon, ça, c'était pas mal. Alors, Moussa, tu vois, c'est un peu comme toujours, monsieur Moussa. Tu commences bien, et tu t'arrêtes au milieu, ce qui est dommage, tu vois. Parce que si tu continues comme ça, la moyenne, tu l'as facilement. Hein. Mais ça, tu le sais. Bon, le niveau est assez faible dans un lycée professionnel des Quartiers Nord de Marseille, il faut le dire. Donc les résultats aux examens ne sont pas catastrophiques, hein, on tire notre épingle du jeu, mais c'est vrai que c'est assez faible. Donc il faut s'adapter, évidemment. Est-ce que vous réussissez à respecter le programme scolaire ? Alors, dire qu'on le termine, ce serait mentir. En français, il vaut mieux approfondir un, deux, trois textes que cinq ou six bâclés, aller vite pour finir telle ou telle chose. Le programme histoire-géo, c'est un peu plus difficile parce qu'ils ont quand même des examens à passer. Donc, il faut quand même terminer le programme, comme on dit. C'est pas toujours facile. Parfois, franchement, c'est impossible. Moi, ma chance, je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. On vise haut. Vous avez mis du temps à comprendre la façon dont vos élèves parlent, leur code de langage. Leur langage m'échappait aussi parce que moi je suis d'origine vosgienne, donc pas du tout d'ici. Donc j'ai découvert tout ça il y a 25 ans et ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a surpris au début, mais je n'avais pas effectivement les codes ni le vocabulaire. Alors après j'ai eu des choses un peu surprenantes. C'est un petit bruit de bouche, un truc qui fait comme ça. Et ce petit bruit de bouche, moi, je ne savais pas sa signification. Donc, je pensais simplement que, quand j'étais en train d'engueuler un élève, tout simplement, et lui me répondait en faisant... Alors, je me disais, vraiment, il se moque de moi, lui. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et il me répétait plusieurs fois comme ça. Jusqu'au jour où j'ai compris que ça veut dire tout simplement oui. Et ça se fait beaucoup. Ça s'appelle tsiké en Afrique. Et ce petit bruit veut simplement dire qu'on est d'accord. Alors, évidemment, sans ce code-là, j'étais complètement perdu dans ces situations-là. L'argent je l'ai mérité, dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. Pour un prof de français, c'est du pain béni. Quand on aime les mots, quand on aime faire chanter les mots, quand on aime écrire, c'est fabuleux chaque jour. Donc quand je vous dis qu'il y a un vrai échange, c'est que moi je fais cours, mais les élèves aussi m'apportent leur vocabulaire. Et au niveau des sonorités, de leurs expressions, c'est fabuleux pour un prof de français, c'est certain. Je suis un ex-pauvre, pas un nouveau riche. Oui, je me love. Et je n'ai plus de douche à la ricross. J'ai pris du poids, ma mère l'a vu, m'a dit Saïd. Alhamdoulilah. Par exemple, Zarma. Ça veut dire à ce qui paraît, mais c'est pas vrai. Donc on ne peut pas dire effectivement dans une phrase normale à ce qui paraît, on a dit, j'ai entendu dire que ça, mais je suis sûr que c'est pas vrai. Tout ça se résume en Zarma. Zarma, elle est belle. Ça veut dire on m'a dit qu'elle était belle, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas si belle que ça. Je l'ai vue une fois. Donc c'est impossible à résumer en trois phrases. Zarma, ça va tout seul. J'ai pas le visage de la honte. On vise haut. T'as grandi où ? J'ai grandi à côté, dans le 15e, là en haut, à côté de Caliste et tout ça. Les quartiers nord de Marseille, ils font souvent la une des journaux, ça vous le savez ? Oui, on sait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Surtout, il y a des gens qui pensent que vraiment dangereux ou un truc comme ça, que c'est vrai que ça peut être dangereux, mais c'est pas vraiment comme les gens le croient, on va dire. Les gens qui sont à l'extérieur, ils connaissent pas vraiment ce qui se passe dedans, en fait, dans les quartiers. Parce que dans les quartiers là, on est soudés, en fait, on est en famille. Il y a beaucoup de gens d'autres origines. On est comme une famille, en fait. Mais les gens qui sont à l'extérieur, ils parlent que de règlement de compte, tout ça, de la drogue. Bon, ils parlent de ça, mais il y a pas que ça dans les quartiers. Il y a beaucoup de trucs, il y a des coopératives, tout ça, pour aider les jeunes à aller à l'école. Il y a beaucoup de trucs qui passent, mais... Après, c'est vrai, en même temps, il y a des fois juste en face de chez moi, j'entends des coups de feu, des... Voilà, après, c'est pas faux. Là, c'est un gros point de trafic à une vingtaine de mètres, comme vous voyez, quoi. Et d'ailleurs, je vous parlais d'un élève, d'ailleurs, qu'on a un petit peu... qui est parti un peu dans le lycée. Et là, c'est qui... Voilà, c'est celui qui est là-bas, à gauche, là. Avec c'est la capuche. Le jeune qui vient passer, là. Ouais, c'est celui qui était debout à l'après de la grille. Et bon, malheureusement, on ne le récupérera pas, quoi. Et c'était vraiment un gamin très, très sympa... Qui apprenait bien, qui était bien dans la classe, et voilà, un peu de mauvaise influence qui fait que là il est là pour quelques temps. Et c'est ce que je vous disais, je ne peux plus aller lui dire bonjour, et c'est un petit peu déchirant, quoi, pour moi, parce que c'était vraiment un bon gamin. Mais là où il est, il guette et il n'a pas le choix, il ne peut plus faire autre chose. Il devient un petit peu une archive, hein, si vous voulez. Voilà, donc dans cette avenue, vous avez un lycée, une école maternelle. Et ce qui est toujours étonnant, c'est la proximité du trafic qui est ici. Et trafic de drogue. Ouais. Et le collège est juste en face, quoi. Comme mon lycée, quoi. Hein. On a la rue à traverser. Mais vous voyez, il y a un calme relatif, hein. On n'a pas encore entendu de détonation de Kalachnikov. c'est assez paisible, je dirais. Voilà, c'est tous les jours comme ça. Mais encore une fois, c'est une situation paisible, mais qu'on devine pas très saine, parce qu'on sait ce que ça cache, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, la petite bulle de l'association malfaiteur, on la connaît tous. Certes, on parle de ce quartier comme mal, mais après, si on apprend à connaître les gens de dedans, on n'est pas tous les mêmes. Enfin, je suppose que ça a été dit beaucoup de fois par beaucoup de monde, mais enfin, c'est réel. Si on n'est pas tous les mêmes dedans, on peut retrouver des chefs d'entreprise dans le même quartier. Après, il y a aussi les points stup que tout le monde connaît, mais... Quand tu dis les points stup, enfin, là où ça vend la drogue, tout ça, vous comprenez. On essaie de rester à l'écart de ça. Nous qui vivons dans ce quartier, les gens qui vendent tout ça, on essaie de s'en éloigner le plus. On sait que c'est un piège. Que s'ils nous demandent de travailler ou quoi, on va rentrer, on va plus s'arrêter, on va vouloir faire des sous, tout ça. Et j'ai des collègues qui sont tombés comme ça, qui ont voulu rentrer dans ce petit cercle vicieux, qui ont travaillé, maintenant sans école, sans diplôme, à la rue, en train de vendre, en train de guetter. Déjà, l'école, c'est une porte de sortie. On essaye tous de s'extirper des quartiers nord. On essaye tous de s'en aller pour trouver mieux, parce que c'est sûr qu'il y a mieux qu'ici. On rêve tous de la villa au bord de la mer avec la voiture, tout ça. On essaye tous de sortir d'ici pour mieux vivre. Parce que c'est pas évident aussi de vivre à côté de ça. Parce qu'on est toujours... Tu habites dans les quartiers nord, tu es un malfaiteur, tu es mal vu, surtout si tu es un arabe en plus. On le voit à la télé, on le voit de partout. On a l'impression de renvoyer cette image à la fin. Parce que là, j'avais un demi-frère. Il s'est tombé, il a pris 3 ans de prison à cause du trafic. Il a dit à mon père, quand j'aurai mes 18 ans, c'est facile, j'aurai de l'argent facile. 3 mois après, ça s'est fait arrêter. Il a trouvé avec, c'était 50 kilos de cocaïne. Après là, le problème s'est passé. C'est mon père qui doit s'occuper de tout ça, des juges, de l'argent, c'est tout ça. Et moi, je trouve, je parle de mes frères. Ils ont vu la période, comment on était, comment on vivait. je me sens obligée de leur aider parce que c'est comme c'est moi l'aîné. Ça fait beaucoup de soucis, hein, tout ça, quand même, pour travailler l'esprit tranquille. C'est, ouais, mais c'est comme ça. Et vous, est-ce qu'il n'y a pas par moment aussi des situations un peu d'épuisement, de découragement ? Si, certainement, il y a des situations qui échappent, forcément. Un jour, on ne sait pas faire, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a puni un élève et on n'aurait peut-être pas dû le faire, ou on l'a puni pas de la bonne manière. Donc, effectivement, parfois, c'est délicat et c'est difficile à reprendre. Et les élèves sont un peu rancuniers, pas totalement, ils sont un peu rancuniers. Ça veut dire que ça peut durer 8 jours, 15 jours. Et finalement, je me suis aperçu, moi, 25 ans de métier, en tout cas ici, que les choses s'oublient. La semaine d'après, c'est bon, voilà, monsieur, ça va, ouais, monsieur, ça va, c'est bon. Est-ce que vous diriez qu'il y a un climat de tension dans ce lycée ? Il y a parfois un climat de tension. C'est pas fréquent. Évidemment, notre rôle, d'abord, c'est de dégonfler toutes les situations qui pourraient dégénérer. Donc, on est déjà là pour ça. En classe, en tout cas, tout de suite, c'est on calme le jeu. Voilà, on calme. Hein. On fait pas court à la première minute, c'est pas vrai. On s'assied, on se calme, on parle beaucoup. On dégonfle les situations avant que... Mais évidemment, parfois, dans la cour, il y a quelques volets de bois vert et ça peut partir un peu dans tous les sens. J'ai eu une aventure dans un lycée de... Alors, c'était à Nice. Je demande à mes élèves de s'asseoir. Et j'en vois un qui trafique un petit peu quelque chose dans sa poche. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Il bricolait un petit peu quelque chose. Bon, je ne prête pas tellement attention. Je commence mon cours. Et il y a une formidable détonation. Pah ! Dans la classe. C'était assez traumatisant pour le jeune professeur que j'étais. Et bah, il se trouve que voilà, un des élèves avait un revolver dans sa poche et que au moment où il s'est assis, le chien du fusil, le percuteur, s'est mis en arrière. Et quand il a voulu remettre le percuteur en place, il a fallu bien sûr qu'il joue sur la gâchette, hein, sur la détente. Et quand il a pressé sur la détente, il a voulu retenir le percuteur. Évidemment, il n'a pas réussi à travers son jean, son pantalon, et le coup est parti. Donc il s'est quand même ouvert la fémorale, éclaté la fémorale. Donc direction l'hôpital, j'étais le voir à l'hôpital l'après-midi. Et donc, monsieur, excusez-moi, il s'est confondu en excuses, il était désolé. Et sur ces entrefaites, le papa est arrivé. Il a demandé ce qui se passait, donc je lui ai expliqué en deux mots. Et il est tombé sur son fils, il lui a dit, mais enfin, je t'ai expliqué combien de fois qu'il fallait mettre la sécurité. Si tu ne mets pas la sécurité, le coup peut partir. Et ça, tu ne le sais pas. À ton âge, tu n'as pas compris ça. Alors évidemment, j'ai tout arrêté. J'ai pris le papa un petit peu par l'épaule, un peu sur le côté. J'ai dit, écoutez, excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous êtes en train de lui faire un cours d'armement ? Alors il m'a regardé, il ne comprenait pas trop le problème. Je lui ai dit, mais là, vous ne pouvez pas en l'état lui expliquer le fonctionnement d'une arme. Le problème, c'est qu'il aurait pu se tuer, me tuer, tuer un camarade ou le blesser très gravement. Et là, il a eu une réaction un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il a quand même pris conscience. Et là, il est tombé. Boum ! Il est tombé dans les pommes. Donc c'est des choses qui sont assez marquantes, surtout en début de carrière. Je me suis dit tout de suite, si c'est ça, j'arrête. Hein. Et puis finalement, bah, l'histoire s'est terminée plutôt agréablement. C'est pour ça que j'ai continué à être prof, d'ailleurs. Il y a des journées assez riches, si vous voulez, dans une vie de professeur. Voilà. Ça va ? Ça va, monsieur. Bien, à tout à l'heure. C'est vraiment un bon prof, monsieur Rech. Je sais pas, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, c'est dans son cours, on est bien, on va dire. Des fois, il y a des profs qui sont un peu plus sévères ou qui parlent pas ou qui... Mais voilà, avec Monsieur Rech, ça va, on s'entend bien, on essaie d'apprendre. Faut on rigole un peu, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu le décrirais ? Moi, je dirais, en fait, c'est le bon prof. C'est parmi les bons profs de ce lycée. Parce que lui, il nous montre le bon chemin. Il nous parle des bons trucs, d'éviter ce qui se passe dehors, dans les cités, en fait. Il nous conseille, il nous donne des idées de ne pas lâcher, qu'on a fait un bon choix, en fait. Il nous donne l'envie. Il nous donne l'envie de continuer les études. Et je trouve que c'est un bon prof. Je vais toujours en cours, je suis toujours avec lui. Et quand on apprend, genre, ça reste dans la tête après. Et t'as l'impression, même avec lui, de mieux maîtriser la langue française ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est complètement ça. J'ai l'impression de mieux apprendre, en fait. Enfin, c'est pas l'impression, c'est même j'apprends mieux. De débattre, tout ça, ça permet de s'exprimer, de s'exprimer avec nos mots. Et quand on entend les autres s'exprimer, tout ça, on peut retenir plus facilement. Est-ce qu'il cherche en vous des réponses ? Oui, ils cherchent des réponses. Alors, ce qui est bien aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas uniquement des connaissances qu'ils viennent chercher, mais c'est des questions sur la vie. Je leur donne tout à fait la possibilité de me poser toutes les questions qu'ils veulent sur la vie, sur, je sais pas, la sexualité ou n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas toujours non plus, eux, les bonnes informations. Le prof, comme c'est un peu parole d'évangile, et que je suis, ma foi, ouvert à tout, j'ai des questions parfois totalement saugrenues ou totalement intéressantes, voilà, il y a un petit peu de... Mais enfin, il faut voter pour la droite ou pour la gauche? Pourquoi vous ne nous répondez pas? Vous nous parlez de la 5e République? Vous nous parlez du droit de vote des femmes? Vous nous dites qu'en Turquie, les femmes ont eu le droit de vote bien avant les femmes en France? Mais vous ne nous dites pas le plus important. Vous ne nous dites jamais si on doit voter pour la droite ou pour la gauche. C'est énervant. Et c'est que j'ai pas le droit de vous dire ça. Et surtout, chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas dire qu'il faut voter à droite ou qu'il faut voter à gauche. Ça n'a pas de sens. Par exemple, on peut dire qu'il faut faire la vaisselle après un repas ou qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Mais on ne peut pas dire qu'il faut voter à gauche ou à droite. Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi vous nous parlez de vaisselle ? Non, c'est un exemple pour vous expliquer que je ne peux pas répondre à cette question. Et puis, en plus, je pourrais être accusé de vous influencer. Mais là, monsieur, on est entre nous. On dira rien, nous. On se connaît bien, monsieur. Vous n'avez pas confiance en nous? Par exemple, vous, vous votez pour la droite ou pour la gauche? C'est parce que j'ai une influence sur vous que je ne peux pas me permettre de répondre à ta question, tu comprends? Mais justement, vous dites vous-même que vous avez une influence sur nous, alors allez-y, puisqu'on vous écoute. Il paraît que tous les profs, ils votent à gauche, c'est vrai ça? Bon, écoute, je suis en train de vous parler des partis politiques et de la 5e République, c'est ça mon rôle aujourd'hui. Voilà, alors maintenant, Hichem, s'il te plaît, j'aimerais que tu suives le cours comme les autres. Alors aujourd'hui, ça c'est l'image qui apparaît ici, c'est Donald Trump. Impeach. Alors ceux qui parlent anglais, M. Chadra qui va nous aider, ça veut dire quoi ça? On l'accuse d'un truc. C'est le président américain qui est accusé. Exactement, président américain. D'accord, actuel. Voilà, alors, qui, ouais. Voilà. Alors cette phrase-là, tiens, dénue-la. Peut-il empêcher l'impeachment? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Est-ce qu'il peut empêcher cette accusation contre lui? Alors, est-ce qu'on peut empêcher un empêchement? C'est un peu bizarre cette phrase. Ouais. Il y a un jeu de mots. C'est quoi le jeu de mots? C'est comme un mot, le contraire. C'est comme un truc impossible. Il peut le faire ou il ne peut pas le faire. Trump peut-il empêcher? Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant cette phrase? Il peut empêcher les gens qui veulent l'empêcher. Exactement. Est-ce qu'il peut empêcher les gens qui veulent l'empêcher d'être président? Est-ce qu'il peut faire ça? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Parce que c'est pas n'importe qui, comme on dit, c'est le président des États-Unis. Donc, il a du pouvoir. Bah, la première chose à leur transmettre, à mon sens, c'est avant même les connaissances et savoirs, c'est avoir l'esprit critique. C'est quelque chose que j'essaie de leur inculquer assez rapidement. Comment on prend du recul par rapport à toute chose, quoi. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous voyez à la télé. Ayez l'esprit critique. Demandez-vous quelle est la source de l'information. Ça veut dire, ce que vous me dites là, vous l'avez entendu où? Vous l'avez lu où? Sur Internet, mais qui a fait ce site? À la télévision, mais est-ce que c'était une émission de variété pour faire rire ou est-ce que c'était une émission sérieuse? Qu'est-ce qu'une émission sérieuse? Voilà. Donc avoir des repères qu'ils n'ont pas du tout. Hein, pour eux, hein, c'est un peu l'autocollant qu'on avait dans les années 70, c'était vu à la télé, donc c'est bon. Si c'est vu à la télé, c'est vrai. Et soit un petit peu dans cette idée-là. Donc avoir l'esprit critique, prendre du recul. Qu'est-ce qui vous donne envie de rester ici, à Marseille, depuis 25 ans? Alors, d'abord, la question du lycée professionnel. Il y a vraiment une grande cohérence et une cohésion. Et en salle des professeurs, il n'est pas rare que, bon, là, si un professeur s'effondre parce qu'il a eu des difficultés, on parle. Voilà. Et les équipes pédagogiques sont très soudées. Il y a vraiment une richesse humaine à ce niveau-là. Voilà. La deuxième chose, c'est pourquoi Marseille? Bah Marseille, d'abord parce que moi, je ne suis pas du tout d'ici, donc ça m'intéresse. C'était totalement exotique, ça allait un petit peu moins, mais c'était totalement exotique. Moi, je suis vosgien d'origine, je suis né à Bazigné, un tout petit village au fin fond des Vosges. Mon père était instituteur là-bas. Et donc travailler à Marseille, ça m'a paru intriguant, on va dire, intéressant. Et quand je suis venu ici, ben, la première année, je n'étais pas sûr de passer toute ma carrière ici. La deuxième année, j'étais un peu plus sûr. Et puis là, au bout de 25 ans, j'ai une certitude, c'est de ne jamais partir d'ici. En plus, maintenant, je connais un petit peu les grands frères, les cousins, les cousines, papa, maman. Donc je commence même avec l'âge à avoir deux ou trois générations. Donc voilà, je ne peux pas aller partout dans les quartiers nord parce que ce n'est pas forcément... permis, mais en tout cas, je connais pas mal de monde maintenant, pas mal de monde. Moi, je me sentais vendéenne, bien sûr, comme mon papa. Enfant, on ne se voyait pas différent. Je me croyais une petite fontenaisienne comme les autres. Mais les autres me repoussaient non seulement de Fontenay, mais hors d'Europe. Ça veut dire quoi, me repousser ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Dire qu'elle n'est pas française. Ouais, on lui fait bien remarquer qu'elle n'est pas française, me repousser. Hein. C'est une image en même temps, parce que ce n'est pas physique, là je pousse. On dirait qu'elle nous montre qu'elle est victimisée, déjà. Oui, c'est ça, ouais, on peut dire ça, hein, victimisée, c'est le mot qui convient. Tu aimes le français ? Ouais, beaucoup. C'est dans l'une des matières que je me retrouve le plus. Français, histoire. Déjà le fait qu'il est écrivain, enfin ouais, qu'il est écrivain et qu'il fait prof en même temps, je suis ravi en fait, je suis content. Parce que je lis déjà, moi je lis beaucoup de livres. Genre, c'est comme si on avait la star devant nous. Je sais pas comment vous dire. Et tu sais de quoi parlent ces ouvrages ? Les ouvrages à M. Reich ? Enfin oui, il nous a déjà expliqué en cours. Il dit qu'il explique son train de vie en tant que professeur, les arrivants d'autres pays qui viennent ici, qui parlent pas trop français, qui l'aident, qui fait tout son possible pour les aider. Si c'est, il se demande si c'est pas assez ou si c'est assez. Enfin ouais, c'est intéressant. Allez messieurs, casquette, bonnet s'il vous plaît. Merci. Toutes les observations et les remarques de vos élèves que vous retranscrivez dans vos ouvrages, comment est-ce que vous arrivez à vous souvenir de tout ? Alors, j'ai en fait un stylo qui est un peu comme une cigarette pour un fumeur. C'est-à-dire que je l'ai toujours avec moi. Alors pas derrière l'oreille, mais toujours à la main. Et c'est un réflexe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entends... un petit truc intéressant, et puis pour ne pas l'oublier, je griffonne ça sur un coin de papier en trois mots, et après, quand l'heure est finie, au bout de deux heures, je le reprends, je le remets un petit peu en forme pour le retravailler après, bien sûr, plus tard à la maison. Ce qui est assez marrant, je dirais, c'est qu'ils le savent, que j'écris des livres sur eux, notamment. Donc, évidemment, maintenant, ils commencent à vouloir faire exprès. Et par exemple, il y en a un qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, « Monsieur, si je vous raconte ceci, cela, j'ai un copain, là, il s'est fait un suçon dans le cou avec un aspirateur pour faire croire qu'il a une copine. C'est bon, ça, pour vos bouquins ?» Et donc, je trouvais que c'était marrant, mais en même temps, je dis « Non, mais ça ne marche pas comme ça, je ne vais pas pouvoir le mettre ça forcément dans mes livres. » Mais en tout cas, ils sont intéressés. Et évidemment, pour moi, c'est assez utile. Mais ils aiment bien cette idée d'être que je parle d'eux. Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine, l'été, le reste du temps sur plage. C'était Mon lycée, c'est la vie, prof des quartiers nord, avec Dominique Reich, Philippe Hervier et tous les élèves de CAP première année, CAP terminale et terminale bac pro. Cette grande timidité qui m'a rendu solitaire, arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Lénora Krief, réalisé par Christine Diger et Diffy Mariani. Oui, c'est la fin du premier épisode. Nous nous retrouvons demain, à la même heure, même salle de classe, même professeur. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma, en direct de l'hôtel Marriott à Berlin, où nous retrouvons Antoine Guillot.